Vous êtes né dans cette ville? Oui, c'est la ville où je suis né. Vous habitez dans cet immeuble? Oui, c'est l'immeuble où j'habite. Vous déjeunez dans ce restaurant? Oui, c'est le restaurant où je déjeune. Vous travaillez dans cette pièce? Oui, c'est la pièce où je travaille. Vous dormez dans cette chambre? Oui, c'est la chambre où je dors.